as permis la faim dans le désert pour apprendre au cœur à dépendre. Que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole qui le fait tenir et l'entendre. Tu as nourri, guidé, protégé quand nous ne savions même pas marcher. Et tu avertis que l'abondance peut nous faire parfois tout oublier. L'abondance est un test aussi sérieux que le manque. Quand l'abondance remplit nos mains, garde nos cœurs dans l'humilité. Car celui qui oublie d'où il vient oublie aussi qu'il a relevé. Grâce et non de nos talents.